Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 28. Des relations. Notion de la relation réelle. Distinction de quatre relations en Dieu. 1. Y a-t-il en Dieu des relations réelles? Si la paternité et la filiation n'étaient pas des réalités en Dieu, il s'ensuivrait que, comme l'enseignait Sabellius dans son hérésie, Dieu ne serait pas réellement père ou fils. On entend par relation réelle certains rapports fondés sur la nature même des choses, comme, par exemple, lorsque deux êtres, liés par nature, ont une inclination réciproque l'un pour l'autre, tels sont les corps pesants et le centre de gravité, un père et son fils. Les relations sont simplement rationnelles quand elles n'existent que dans notre esprit, comme lorsque nous comparons l'homme en tant qu'espèce à l'animal comme genre. Or, on conçoit que, quand un être procède d'un principe en conservant la même nature que ce principe, il existe entre lui et le principe dont il procède des rapports fondés sur la nature même des choses, et, dès lors, ces rapports sont réels. C'est ce qui a lieu dans les processions divines. Ces processions existant dans une même nature, il faut nécessairement que les relations déterminées par elles soient des relations réelles. Note. Les créatures ne procèdent pas de Dieu avec la même nature, Dieu les produit par son intelligence et par sa volonté, mais non par la nécessité de son être. On ne peut donc comparer leur relation avec le Créateur aux relations divines qui se déploient dans une même nature au sein de l'essence divine. Fin de la note. 2. La relation et l'essence sont-elles identiques en Dieu? Ne croyons pas qu'en Dieu la relation et l'essence soient différentes, elles sont une seule et même chose. En voici une raison qui est claire. En dehors de l'essence divine, il n'y a que des créatures. Or, la relation existe réellement en Dieu. Si elle n'était pas l'essence divine, que serait-elle autre chose qu'une créature? Dès lors, plus d'adoration, on n'adore pas une créature. L'Église ne chanterait donc pas dans la préface de la messe, nous adorons la propriété dans les personnes, l'unité dans l'essence, l'égalité dans la majesté. Gilbert de la Porée a prétendu que les relations en Dieu ne sont pas identiques avec l'essence. À l'en croire, elles sont simplement assistantes et non intrinsèques à la divinité, en d'autres termes, elles sont accidentelles, il s'est trompé. Note. Gilbert de la Porée était évêque de Poitiers dans le XIIe siècle, il se rétracta au concile de Reims. Fin de la note. Qu'y a-t-il d'accidentel en Dieu? Absolument rien. Ce qui est accidentel dans les créatures, rapporté à Dieu, devient substantiel, car, du moment qu'une relation, qui, dans les créatures, est accidentellement unie à un sujet, existe réellement en Dieu. Elle y est substantiellement et ne fait qu'une seule et même chose avec l'essence divine. Il est donc clair qu'en Dieu, où tout est essence, la relation ne diffère pas de l'essence elle-même dans la réalité des choses. Elle en diffère seulement dans notre esprit, qui conçoit l'essence comme n'affirmant rien de relatif, tandis que la relation implique rapport à quelque chose. 3. Les relations divines sont-elles réellement distinctes entre elles? La substance divine, dit Boès, forme l'unité, et la relation fait la trinité. Dire que les relations divines ne sont pas réellement distinctes, ce serait enseigner qu'il n'y a en Dieu qu'une trinité rationnelle et non pas une trinité réelle, ce qui serait souscrire à l'hérésie de Sabellius. Puisque la relation, qui est le rapport de deux choses respectivement opposées, étant Dieu une réalité, il y a nécessairement une opposition réelle dans l'être divin. Or, qui dit opposition réelle affirme distinction. Dieu trouve donc une distinction réelle en lui-même, non pas relativement à son être absolu, qui est l'essence divine, mais dans les relations mêmes, qui, comme nous l'avons dit, sont réelles. Note. Quoique la paternité et la filiation soient réellement identiques avec l'essence divine, elles présentent entre elles des rapports opposés, et voilà précisément ce qui les distingue. C'est ainsi que la passion et l'action, pour être identiques au mouvement, ne sont pas pour cela identiques entre elles, parce que l'action implique l'idée de mouvement communiquée par le moteur, et la passion l'idée de mouvement reçue par le mobile. Fin de la note. 4. N'y a-t-il en Dieu que quatre relations réelles ? Il n'y a en Dieu que quatre relations réelles, la paternité, la filiation, l'aspiration et la procession. Les relations de Dieu à la créature, appelées ad extra, n'existant pas réellement au sein de la divinité, nous les écartons pour ne considérer que celles qui sont fondées sur les processions intérieures, dites ad intra. Or, il n'y a en Dieu que deux processions intérieures. Par l'une, le Verbe émane de l'action de l'intelligence, par l'autre, l'amour émane de l'action de la volonté, et, dans l'une et dans l'autre, on ne découvre que deux relations opposées, celle qui existe entre ce qui procède et son principe, l'autre entre le principe et son terme. La procession du Verbe est appelée génération, parce qu'elle appartient à la procession des êtres vivants, et chacun sait que, pour ce qui est des êtres vivants parfaits, tels que l'homme, la relation du principe générateur s'appelle paternité, tandis que celle du sujet engendré se nomme filiation. La procession de l'amour n'a pas de nom propre et de même des relations spéciales qui en dérivent. Quoi qu'il en soit, pour désigner la relation du principe au terme dans cette procession, on dit spiration, et on réserve le mot procession pour la relation du sujet qui en procède. Voilà donc en Dieu quatre relations bien caractérisées, la paternité, la filiation, l'aspiration et la procession, il n'y en a pas d'autres. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.